Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. On va écouter de la bonne musique. Bonne musique en téléchargement gratuit. Donc, cette semaine, il y a un thème, c'est la musique des Balkans. Mais attention, musique des Balkans avec une petite tendance électro. Des fois, c'est des mash-ups. Donc, musique assez intéressante. C'est des trucs que j'ai trouvé en me promenant un peu sur SoundCloud. SoundCloud, c'est une plateforme pour partager la musique. Donc, c'est pas très cher par mois. Vous pouvez même avoir un compte gratuit. Si vous êtes un musicien, un groupe, etc., vous pouvez utiliser SoundCloud pour diffuser votre musique. Ils ont plein d'outils qui servent à diffuser cette musique-là. Il y a un player qui est vraiment intéressant. On peut laisser les commentaires. Donc, si on apprécie la pièce, on peut laisser les commentaires directement sur le player. Donc, une plateforme vraiment intéressante, SoundCloud. Donc, on va débuter avec une pièce de Fexomat and Sickhead. La pièce s'appelle Jury. C'est sur un nouveau netlabel qui s'appelle Ringe Raja Records. Donc, un netlabel qui semble promettre, pour l'instant, ils ont seulement un blog. Donc, ils sont en train de mettre au point leur site. Beaucoup de musique des Balkans à tendance électronique. Donc, je vais les suivre. Ils semblent avoir du matériel assez intéressant. Après Fexomat et NCKED, on va écouter Yes, We Balkan, un petit jeu de mots pour M. Obama. C'est Captain Krudtandé avec sa pièce Bulgarian Chicks Can Swing. Vous allez voir deux pièces assez excellentes à Web Music. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. Donc, on vient tout juste d'entendre Yes, We Balkan. C'était Captain Krodfandé avec la pièce Bulgarian Chicks Can Swing. Donc, Yes, We Balkan, un artiste qui vient du Danemark. Avant ça, on avait débuté avec un peu de musique des Balkans, mais façon vraiment drum and bass assez hardcore. C'était avec Fexomat, un artiste qui vient de la ville de Berlin. C'était Fexomat and Sickhead, la pièce Jury. Ça, c'était publié sur Ringe Raja Records. Je vous rappelle que les pièces entendues à l'émission, ben, vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. Vous avez la playlist et vous avez les liens vers les artistes. Donc, vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez. Vous pouvez télécharger ça gratuitement. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Paris du nom de Abstracker. La pièce s'appelle Balkana Rhythm. Ensuite de ça, un artiste qui dit venir de l'Antarctique, mais j'en doute fort. Il s'agit de Second Face avec la pièce Dimian Nika. Donc, on écoute tout de suite Abstracker à Web Music. Thank you. changement. Thank you. la musique des Balkans, donc des voix bulgares mélangées avec des synthétiseurs space, avec un petit peu de chant indien, de la flûte japonaise. C'était Second Face avec Dimian Ninka. Second Face qui dit venir de l'Antarctique, comme je vous disais tantôt, j'en doute fort. Avant ça, c'était le Parisien Abstracker avec sa pièce Balkana Rhythm. On poursuit Web Music avec cette fois-ci de Bruxelles en Belgique, Balkan Hot Steppers. C'est un duo qui est composé de DJ Sam Rabami et Tipsy Gypsy. Donc, excusez-moi, c'est DJ Sam Rabam. Donc, Balkan Hot Steppers avec leur pièce Becho Drum, Rum au Drum. Elle s'appelle Cocotte, vieille bagnole, bazou, taco, minoune. Votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval. Participez à la lutte contre les maladies rénales en donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclé. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez rhinquebec.ca. À l'heure où les chats sont gris, le directeur musical Daniel Marcoux vous convie dans son univers panoramique. 7 jours sur 7, les nuits du directeur musical. C'est quand même elle. Retour à Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, c'était le duo Balkan Hot Steppers avec la pièce Bash au Drum, Rush au Drum. C'était donc Balkan Hot Steppers, un duo qui vient de Bruxelles en Belgique, composé de DJ Sam Rabam et Tipsy Gypsy. Pour poursuivre une autre pièce dans donc la tendance musique des Balkans, il s'agit de Emi Granski Disco, c'est un artiste suisse avec sa pièce Gypsy Eye. Ensuite de ça, de l'Allemagne, c'est Philabeat, avec sa pièce A Race Through Northern Trace. Vous allez voir deux excellentes pièces. I'm going to tell you a delightful story. Now I want you to make yourselves comfortable and settle back. Now, are you all ready? Here we go. Redeem of the culture, y'all. Am I? sembra so capore, c'è un altro sì d'amore, c'è tu la tira tua. C'était bon, ça. C'était Phil Abate, un artiste de l'Allemagne. La pièce s'appelle Erased Through Northern Thrace. Avant ça, ben, on avait commencé ce bloc-là avec un artiste suisse du nom de Emi Gradsky, disco avec la pièce Gypsy Eye. Donc, ben, c'est ça, une émission web musique à tendance musique des Balkans, mais avec une petite twist électronique. Donc, on va écouter par la suite Gertz, donc un artiste des Pays-Bas, avec la pièce El Zopilot Move It. Vous allez voir, vous allez peut-être reconnaître un petit bout de la pièce. Ensuite de ça, c'est Badré en Solitico Bassadob, la pièce Clarisex. C'est par le DJ Badré, donc un Allemand. On écoute tout de suite Gertz avec El Zopilot Move It. We'll be right back. C'était DJ Badré and Saleteco Bassadob avec la pièce Clarisex, donc DJ Badré qui nous vient de l'Allemagne. Avant ça, c'était des Pays-Bas Gertz avec la pièce El Zopilote Move It. Donc, c'est une, vous avez probablement reconnu le sampling de Reel to Reel, la pièce Move It. Donc, ben c'est ça. Je vous rappelle que les pièces sont disponibles en téléchargement gratuit. C'est assez important. C'est le concept de l'émission. Donc, rendez-vous sur le site au www.webmusique.ca. Vous allez avoir un lien vers les artistes. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est une bonne place. Vous pouvez également télécharger les pièces. Tout ça vous est offert gratuitement. On poursuit avec, j'en ai aucune idée de l'artiste, c'est un mash-up de Gogol Bordello versus Tamir Muscat. C'est publié sur Extra Estrada Records, donc une compagnie qui semble diffuser différents mix et différents trucs en rapport à la musique des Balkans. Donc, on va entendre la pièce « Gypsy Part of Town ». c'était la pièce Gypsy Part of Town à l'antenne de CKRL. Donc, c'est un mash-up de Gogol Bordello et Tamir Muscat. Donc, c'était publié sur Extra Estrada Records. Ça va malheureusement déjà être tout pour Web Musique. Mon sac à musique est complètement vide. Il me reste seulement une dernière pièce. On va se quitter là-dessus. La pièce s'appelle Revolucarnas. Oh, excusez-moi, c'est en polonais, incapable de le prononcer. Donc, c'est par l'artiste polonais Masala. On se laisse là-dessus. Tout de suite après, ça va être Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé. Donc, on se laisse avec Masala. Bonne semaine. We'll be right back.